Aujourd'hui je ferai pas l'ego, je mettrai de côté mon ego. T'es rentré dans ma vie à l'improviste, t'as revu toute la déco. Je crois que j'ai cherché toute ma vie, ce qui était juste à tes goûts. Et même si je te rendais tout voix à mille, on sera jamais que c'est beau. Bref, je vivais ma vie tranquille, t'es venu rajouter du miel. Aujourd'hui je veux plus te laisser partir et je réfléchis au pluriel. J'ai demandé la lune, on m'a donné un diamant que j'ai fini par épouser. S'il y avait un endroit pour les femmes d'exception, bah tu mériterais d'y aller. Laisse-moi être ton ami, ton mari, ton amant, histoire qu'on puisse tout partager. Ce que je veux, c'est voir la chair de ma chère t'appeler maman, voir ton visage rayonner. Ma woman, ma woman, tu m'as dit oui devant Dieu. Ma woman, ma woman, ma woman, rien ne m'empêchera de t'aimer. Ma woman, tu m'as dit oui devant Dieu. Ma woman, ma woman, ma woman, rien ne m'empêchera de t'aimer. Oh, on se connaît depuis tout petit, mais rien de plus long qu'un texto. Jamais plus long qu'un texto. Tu m'as vu avec toutes ces filles, t'as jamais dit un seul mot. Tu n'as jamais dit un mot. À croire que tu savais depuis qu'on finirait en duo. J'ai mis du temps à comprendre que je naviguais, mais pas sur le bon bateau. Bref, après m'être perdu, je suis revenu à l'essentiel. C'est tous les jours que je remercie, tu es mon cadeau du ciel. J'ai demandé la lune, on m'a donné un diamant que j'ai fini par épouser. S'il y avait un endroit pour les femmes d'exception, bah tu mériterais d'y aller. Laisse-moi être ton ami, ton mari, ton amant, histoire qu'on puisse tout partager. Ce que je veux, c'est voir la chair de ma chère t'appeler maman, voir ton visage rayonner. Ma woman, ma woman, tu m'as dit oui devant Dieu. Ma woman, ma woman, ma woman, rien ne m'empêchera de t'aimer. Ma woman, ma woman, tu m'as dit oui devant Dieu. Ma woman, ma woman, ma woman, rien ne m'empêchera de t'aimer. Ma woman, ma woman, tu m'as dit oui devant Dieu. Ma woman, ma woman, ma woman, rien ne m'empêchera de t'aimer. Ta vie, ma woman, tu as devant toi ton homme, prêt à protéger ta vie.